Chapitre 25e. Depuis quelques jours, M. de B était plus froid que de coutume vis-à-vis de Georges. Il semblait vouloir établir entre lui et sa fille une distance que le jeune docteur avait tout à coup franchie. Le comte était un noble très en règle avec le blason, qui ne pouvait se résigner à reléguer parmi les veines défroques du vieux temps des parchemins et des titres qui avaient coûté si cher à ses ancêtres. Il devait beaucoup à M. Fritz et il s'en souvenait. C'était un homme d'honneur qui n'eût jamais voulu rester en arrière d'un service, et Fritz avait des droits à la main de Pulchéri. Mais le devoir du comte en cette circonstance lui semblait bien dur à tenir, aujourd'hui que les plus éprouvés gentilshommes de France brigueraient à genoux l'honneur d'un pareil mariage. Le nom était illustre, la fiancée était accomplie. Il eût peut-être voulu, sans se l'avouer bien clairement à lui-même, que Fritz comprît cet embarras d'un chef de famille ancienne et se retira peu à peu d'une union mal assortie aux yeux du monde. Georges Fritz était un jeune philosophe qui portait dans son cœur tout l'orgueil du savant et toute la délicatesse de l'honnête homme. Il comprit, si voilée qu'elle fût, la pensée intime du comte. Il en fut blessé. Son cœur enseigna longtemps au milieu du calme et du silence des champs. Si horrible que fût le sacrifice pour lui, qui ne vivait que dans Pulchéri, il essaya de la détacher de son amour, mais il ne put y parvenir. Plus il voulait s'en séparer, et plus elle s'enlaçait à lui comme le lierre. Pulchéri était pour Georges une de ces créations humaines que les anciens alchimistes prétendaient obtenir par les secrets de la science et qu'il y poursuivait ensuite durant toute la vie. Georges avait, au reste, tout le premier, le cœur pris dans celui de Pulchéri. Il ne pouvait plus dégager sa pensée de cette beauté visible qui l'avait fait descendre des hauteurs nuageuses du rêve sur les lignes calmes et grandes de la nature. Ces deux êtres s'étaient joints l'un à l'autre par un besoin inévitable et doux, comme les lèvres à la coupe. Les diviser, c'était vouloir leur perte. Cependant, Georges Fritz fut amené, par une générosité extravagante, à une résolution brusque et soudaine qui eut une influence décisive sur leur destinée.